On va ouvrir le bulletin de sport local et régional de la semaine en parlant de Marie Besson de Dolbeau-Missisquoi qui a remporté la médaille d'argent lors de la compétition de judo de Panaméricain qui se déroulait en Argentine. La Dolmissoise s'est inclinée chez les moins de 52 kg contre Laina Coleman qui est âgée de 20 ans. Coleman qui est considérée comme la troisième judokate au monde. Au golf, Pierre-Alexandre Bédard est au 10e rang suite à la première journée du tournoi Alexandre Tunis qui se déroule actuellement dans la région d'Ottawa. À noter qu'Alexandre, Pierre-Alexandre Bédard a ramené 4 de plus 1. Le tournoi prend fin aujourd'hui. Maintenant, bonne nouvelle pour le joueur de football de Saint-Jean-d'Arc, Philippe Lavoie. Et il s'est mérité une place sur l'équipe du Québec qui va participer à la Coupe Canada de football qui va se dérouler à Winnipeg au mois de juillet prochain. On va tenter de parler d'ailleurs cette semaine avec Charles-Antoine Sinotte de TVA Sport qui est l'instructeur de cette équipe du Québec. En fin de semaine, se déroulait Auberge des Berges en action. C'est une activité qui a lieu à Saint-Félicien et qui regroupe conjointement un tournoi de deck hockey et de volleyball. On a les résultats pour le deck hockey. Il y avait 8 équipes qui étaient en action. Et à noter que c'est l'équipe de Frédéric Mérette qui a remporté la victoire. Donc l'équipe de Frédéric Mérette qui a défait la formation de Frédéric Duchesne par le pointage de 6 à 3. C'est deux équipes de Saint-Félicien qui étaient en action pour cette compétition. Maintenant, je termine le bulletin de sport avec, en parlant de soccer. Il y avait un match qui nous intéressait dans les différentes ligues. D'abord, à noter qu'à Saint-Ambroise hier, victoire au niveau masculin de la division 3 au niveau senior de Dolbeau-Missisquoi 2 à 1 sur Saint-Ambroise. Le sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.